Section 7 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 7. L'immortel par Alphonse Daudet. Chapitre 11. Le coup d'épée dont leur fils avait failli mourir fut un dérivatif aux dissensions intimes des Astiers. Secoué jusqu'au fond de ses entrailles paternelles, Léonard s'attendrit, pardonna, et comme pendant 3 semaines, Madame Astier, installée garde-malade près de Paul, ne vint plus rue de Beaune qu'en courant pour prendre du linge, changer de robe, on évita le danger des allusions, des reproches couverts et détournés dont s'avive, même après le pardon et la paix faite, les querelles de la vie à deux. Puis l'enfant rétabli, partit pour Mousseau, où l'appelait une pressante invitation de la duchesse, ce qui acheva de réconcilier le parfait ménage académique, de le rendre du moins à sa température égale de couche froide. Ce fut son installation à l'Institut dans l'appartement et l'emploi de feu Loisillon, dont la veuve, nommée directrice de l'école des Couans, avait par un prompt départ permis au nouveau perpétuel d'emménager presque au lendemain de son élection. L'installation ne fut pas longue dans ce logement, depuis si longtemps envié, guetté, surveillé, espéré, connu dans ses moindres détours et tous ses avantages locatifs. À voir la précision avec laquelle les meubles de la rue de Beaune prenaient leur place, on eût dit un mobilier rentrant de la campagne et se posant, s'incrustant de lui-même aux endroits habituels, aux rainures par lui marquées sur le sol ou dans les panneaux. Nul embellissement, à peine un nettoyage à la chambre où Loisillon était mort, du papier neuf à l'ancien salon de Villemain, dont Léonard fit son cabinet de travail, afin d'avoir le silence et la lumière de la cour, et sous la main une petite annexe, très haute, très claire, pour ses autographes déménagés en 3 voyages de fiacre avec l'aide de Fage, le relieur. C'était chaque matin une délectation nouvelle, ses archives presque aussi commodes que celles des affaires étrangères, où il entrait sans se courber, sans grimper l'échelle de son chenil de la rue de Beaune, auquel il ne pensait plus qu'avec colère et dégoût, par ce sentiment naturel à l'homme de haïr les endroits où il a souffert d'une rancune qui dure et ne pardonne jamais. On se réconcilie avec les êtres, sujets à changer, à présenter différents aspects, non avec les choses, et leur immuabilité de pierre. Dans la joie de l'emménagement, Astier Réhus pouvait oublier ses colères, les torts de sa femme, jusqu'à ses griefs comme des cèdres, autorisés à venir le mercredi matin comme autrefois, mais rien que de songer à la cage en soupente où on le reléguait naguère un jour par semaine. L'historien faisait grincer sa mâchoire avançante, redevenait crocodilus, et conçoit-on ce tessèdre que l'honneur de frotter à l'Institut, au palais Mazarin, laissé aussi froid, aussi peu impressionné, et qui continuait à bousculer la table, les papiers, les rapports innombrables de secrétaire perpétuel, avec sa même tranquille arrogance du citoyen des rayons en face d'un vulgaire chauvagnat. Astier Réhus, gêné sans l'avouer par cet écrasant dédain, essayait parfois de faire comprendre à cette brute la majesté de l'endroit où fonctionnait son pain de cire. « Tes cèdres, lui disait-il un jour, c'est ici, l'ancien salon du grand Villemain. Je vous le recommande. » Et, en même temps, pour apaiser le fier Averne, il signifiait lâchement à Corentine: donnez un verre de vin à ce brave homme. Corentine, stupéfaite, apporta le verre que le frotteur but d'une goulée. appuyé sur son bâton, les yeux dilatés de joie. Puis il s'essuya la bouche d'un revers de manche et posant le verre vide où sa lèvre gourmande était marquée. « Voyez-vous, monsieur Achetier, un verre de vin frais, il n'y a rien de bon comme ça dans la vie. » Sa voix vibrait d'un tel accent de vérité, ses papilles d'un tel épanouissement de bien-être, que le secrétaire perpétuel rentra dans ses archives en claquant la porte d'un mouvement d'humeur. Car enfin, ce n'était pas la peine d'avoir tant trimé, parti si bas pour arriver si haut, au summum de la gloire littéraire. L'historien de la maison d'Orléans, clé de voûte de l'Académie française, puisque rien qu'un verre de vin frais pouvait donner à un rustre l'équivalent bonheur de tout cela. Mais un instant après, entendant le frotteur ricaner à Corentine, qu'il chanfoutait un peu de l'ancien chalon de Villemain, Léonard Astier haussa les épaules et sa velléité d'envie tomba devant tant d'ignorance, fit place à une profonde et bénigne pitié. Pour Madame Astier, grandie, élevée à l'Institut, retrouvant des souvenirs d'enfance à chaque pavé de la cour, sur chaque marche du vénérable et poudreux escalier B, il lui semblait qu'après une absence, elle était enfin rentrée chez elle, et combien elle savourait mieux que son mari les avantages matériels de la situation. Plus de loyer à payer, ni d'éclairage, ni de chauffage, une grande économie pour les réceptions de l'hiver, sans compter les appointements augmentés, les hautes relations, les influences précieuses, surtout pour son Paul et la chasse aux commandes. Quand Madame Loisillon vantait autrefois les charmes de son logement à l'Institut, elle ne manquait jamais d'ajouter avec emphase « J'y ai reçu jusqu'à des souveraines ». Oui, dans le petit endroit, ripostait acidement la bonne Adélaïde, dressant son long cou. En effet, les jours de grandes séances, longues et fatigantes, il n'était pas rare qu'à la sortie, quelques hautes dames, princesses royales en tournée, mondaines influentes au ministère, montât faire à la femme du secrétaire perpétuel une courte visite intéressée. C'est à des hospitalités de ce genre que Madame Loisillon devait son poste actuel de directrice, et Madame Astier ne serait certainement pas plus maladroite qu'elle à tirer parti du petit endroit. Une seule chose gênait son triomphe du moment, sa brouille personnelle avec la duchesse, qui l'empêchait de rejoindre Paul à Mousseau. Mais une invitation arrivait à point de Clos Jallanges pour la rapprocher de son fils par le voisinage des deux châteaux, et elle espérait peu à peu rentrer en grâce auprès de la belle Antonia, pour qui elle se sentait redevenir toute tendre en la voyant si bonne avec son Paul. Léonard, retenu à Paris par son service, la besogne de Loisillon de plusieurs mois en retard, laissa partir sa femme, promettant d'aller passer quelques jours auprès de leurs amis, bien décidés en réalité à ne pas s'éloigner de son cher institut. On y était si bien, si au calme, deux séances par semaine pour lesquelles il n'avait que la cour à traverser, séances d'été, intimes, familières, à cinq, six, jetonniers, somnolant sous le chaud vitrage. Le reste de la semaine, liberté absolue. Le laborieux vieillard en profitait pour corriger les épreuves de son Galilée, enfin terminé, prêt à paraître à l'entrée de la saison. Il cerclait, émondait, veillait à ce qu'il n'y en eût pas, à ce qu'il n'y en a pas du tout. Préparait encore une seconde édition de sa maison d'Orléans, enrichie de nouvelles pièces inédites qui en doublaient la valeur. Le monde se fait vieux. L'histoire, cette mémoire de l'humanité, soumise comme telle à toutes les maladies, lacunes, affaiblissements de la mémoire, doit plus que jamais s'appuyer de textes, de pièces originales, se rafraîchir, remonter aux sources, sous peine d'erreur ou de radotage. Aussi, quelle fierté pour Astier, quelle douceur en ces brûlantes journées d'août, de relire sur les bonnes pages cette documentation si sûre, si originale, avant de les retourner à l'éditeur Petit Séca, avec l'en-tête où figurait pour la première fois, au-dessous de son nom, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Un titre auquel ses yeux n'étaient pas encore faits et qui l'éblouissait chaque fois, comme la cour toute blanche de soleil devant ses fenêtres, l'immense seconde cour de l'Institut, recueillie, majestueuse, à peine traversée de quelques cris de moineaux et d'hirondelles, solennisée par un buste en bronze de Minerve et ses 10 bornes alignées contre le mur du fond que dominait la gigantesque cheminée d'appel de la Monnaie toute voisine. Vers 4 heures, quand le buste commençait à allonger son ombre casquée, le pas nerveux et raide du vieux Jean Réhu sonnait sur les dalles. Il habitait au-dessus des astiers et sortait régulièrement chaque jour pour une longue promenade, protégée, mais à bonne distance, par un domestique dont il s'obstinait à refuser le bras. De plus en plus sourd et fermé, sous l'influence de l'été, très chaud cette année-là, ses facultés s'affaiblissaient, surtout sa mémoire, que ne parvenait plus à guider les épingles en rappel au revers de sa redingote. Il embrouillait ses récits, perdu à travers ses souvenirs, comme le vieux Livingstone dans les marécages de l'Afrique centrale, piétinant, pataugeant, jusqu'à ce qu'on lui vînt en aide. Et comme cela l'humiliait, le mettait de noire humeur, il ne parlait plus guère à personne, soliloquait en marchant, marquant d'une halte brusque et d'un hochement de la tête la fin de l'anecdote et l'inévitable « j'ai vu ça, moi ». D'ailleurs, toujours droit, gardant comme au temps du directoire le goût des mystifications, s'amusant à priver de vin, de viande, à soumettre aux régimes les plus variés et les plus cocasses la foule de badauds enragés de vie, qui lui écrivait journellement pour savoir à quelle hygiène il devait son extraordinaire sursis, et prescrivant aux uns les légumes, le lait ou le cidre, à d'autres les seuls coquillages. Il ne se refusait rien, buvait sec à ses repas, toujours suivi d'une sieste et dans la soirée d'une robuste marche de banc de car que Léonard Astier entendait au-dessus de sa tête. 2 mois s'étaient passés, août et septembre, depuis l'installation du secrétaire perpétuel, 2 mois pleins d'une paix heureuse et féconde, d'une halte d'ambition, telle qu'il n'en avait peut-être jamais savouré de pareil dans sa longue existence. Madame Astier, encore à Clos-Jallanges, parlait d'un prochain retour. Déjà le ciel de Paris s'ardoisait des premiers brouillards. Quelques académiciens rentraient. Les séances devenaient moins intimes. Et aux heures de travail dans l'ancien salon Villemain, Léonard Astier n'avait plus besoin de fermer ses persiennes devant la soleillade ardente de la cour. Il était à sa table, un après-midi, en train d'écrire à ce bon de Frédé d'heureuses nouvelles pour sa candidature, quand l'antique sonnette fêlée de la porte retentit violemment. Corentine venait de descendre. Il alla ouvrir lui-même, saisi de se trouver en face du baron Huchenard et Debeau, l'archiviste paléographe qui fit irruption dans le cabinet du maître, hagard, levant les bras, râlant sous la barbe rouge et sa chevelure en broussailles. « Les pièces sont fausses, j'ai la preuve, la preuve. » Astier eut, un instant sans comprendre, regardait le baron qui regardait la corniche. Puis, lorsqu'il eut démêlé dans les aboiements du paléographe qu'on niait l'authenticité des Charles Quint, vendus par Madame Astier et cédés par Beau à Huchenard, il sourit de très haut, se déclara prêt à rembourser ses 3 autographes, dont rien, absolument rien, ne pouvait à ses yeux entamer l'intégrité. « Permettez-moi, monsieur le secrétaire perpétuel, d'appeler votre attention. » Le baron Huchenard, en parlant, déboutonnait à mesure son pardessus, mastille, tirait d'une large enveloppe les trois parchemins transformés, potassés, méconnaissables, passés de leur ton de fumée au blanc le plus absolu, et laissant voir chacun cette marque, lisible et nette au milieu de la page, sous la signature de Charles Quint, bébé, Angoulême, 1836. C'est le chimiste Delpech, notre savant collègue de l'Académie des sciences. Mais ses explications n'arrivaient qu'en bourdonnement confus au pauvre Léonard, devenu subitement très pâle, exsangue, jusqu'au bout de ses gros doigts velus, où les trois pièces autographiques grelottaient. « Les 20 000 francs seront chez vous ce soir, monsieur Beau, » articula-t-il enfin, avec ce qui lui restait de salive dans la bouche. Beau réclama piteusement, « Monsieur le baron m'en avait donné 22 000. »« 22 000, soit, » dit Astier Réhu, qui trouvait la force de les reconduire. Mais dans l'ombre de l'antichambre, il retint son collègue des inscriptions et d'une voix bien humble, imploré pour l'honneur de l'Institut, le silence sur cette malheureuse affaire. « Volontiers, mon cher maître, mais à une condition. Dites, dites, vous recevrez bientôt ma lettre de candidature au fauteuil Loisillon. » Une poignée de main vigoureuse fut la réponse du secrétaire perpétuel. L'engagea pour lui-même et pour ses amis. Resté seul, le malheureux s'écroula devant la table, chargé d'épreuves, où les trois fausses lettres à Rabelais gisaient toutes ouvertes. Il les regardait hébétés, lisant machinalement. « Maître Rabelais, vous qu'avez l'esprit fin et subtil !» Les caractères dansaient, tourbillonnaient dans un délayage d'encre décomposée en larges maculatures, de sulfate de fer, qu'il voyait monter, s'étendre, gagner sa collection. Ces 10 000, 12 000 pièces autographiques, toutes, hélas, de même provenance, puisque ces trois-là étaient fausses, alors son Galilée, alors sa maison d'Orléans, alors sa lettre de Catherine, offerte au grand-duc, et celle de Rotrou, dont il avait fait hommage public à l'Académie. Alors, un horrible effort de volonté le mit debout, phage, tout de suite, voire phage. Ses relations avec le relieur dataient de quelques années, d'un jour où le petit homme était venu aux archives des affaires étrangères solliciter l'avis du très illustre et savant directeur sur une lettre de Marie de Médicis au pape Urbain VIII en faveur de Galilée. Justement, petit Sécart, dans une série de précis d'histoires amusantes sous le titre de divertissement scolaire, annonçait un Galilée par Astier Réhu de l'Académie française. Aussi, après avoir, de par sa longue expérience, reconnu et affirmé l'authenticité du manuscrit, quand l'archiviste apprit que Phage possédait également la réponse du pape Urbain, une lettre de remerciement de Galilée à la reine, d'autres encore, tout à coup, surgissaient, en lui l'idée d'un beau livre d'histoire, à la place de sa petite drôlerie. Mais en même temps, pris d'un scrupule d'honnête homme sur l'origine de ses documents, il regarda l'avorton bien en face, scruta avec autant de minutie que pour une pièce autographique ce long visage blafard, aux paupières rougies et clignotantes, puis, dans un sévère claquement de mâchoire, interrogea « Ces manuscrits, sont-ils à vous, monsieur Phage ?»« Oh, mon cher maître !» Il n'était lui que l'intermédiaire d'une personne, une vieille demoiselle noble, forcée de se défaire pièce à pièce, d'une très riche collection, dans sa famille déjà du temps de Louis XVI. Encore n'avait-il voulu s'entremettre qu'après la vie d'un savant illustre et intègre entre tous. Maintenant, fort de l'approbation du maître, il comptait s'adresser à de riches collectionneurs, au baron Huchenard, par exemple. Astier Réhu l'interrompit. Inutile, apportez-moi tout votre fonds Galilée. J'en ai le placement. Du monde arrivait, s'installer aux petites tables. Le public des archives, chercheurs et fureteurs, silhouettes silencieuses et blanchies, de terrassiers des catacombes, sentant le moisi, le renfermé, l'exhumation. Là-haut, dans son cabinet, « Pas ici !» murmura l'archiviste contre la grande oreille du bossu qui s'éloignait, ganté, pommadé, l'arrêt partageant le front avec l'orgueilleuse suffisance assez fréquente chez ce genre d'infirme. Un trésor, cette collection, menil Caz, le nom de la demoiselle livrée par Albin Fagesou, le plus absolu secret. Un trésor inépuisable, en pièces des XVIe et des XVIIe siècles, variées, curieuses, éclairant le passé d'un jour nouveau, bouleversant parfois d'un mot, d'une date, des notions acquises sur les faits et les hommes. Si coûteux fussent-ils, Léonard Astier ne laissait échapper aucun de ses documents, concordant presque toujours avec ses travaux en train ou en projet, et pas l'ombre d'un doute sur les récits du petit homme, ses liasses entières d'autographes s'empoussiérant encore dans le grenier d'un vieil hôtel de Ménilnotan. Si après quelque observation venimeuse du prince des autographies, un soupçon effleurait sa confiance, comment aurait-il tenu devant le sang-froid du relieur installé sur sa table, ou bien, arrosant ses salades dans la paix du grand cloître vert, surtout devant l'explication toute naturelle qu'il donnait au lapsus et regrettage visible sur certains feuillets, avec le coup de mer subi par le fond Mesnil Caz, lorsqu'on le fit passer en Angleterre, au temps de l'émigration. Rassuré, réconforté, Astier eut retraversé la cour d'un pas alerte, emportant chaque fois quelque nouvelle acquisition contre un chèque de 500 000, même 2 000 francs selon l'importance de la pièce historique. Au fond, quoi qu'il se dit pour endormir sa conscience dans ses prodigalités que personne ne soupçonnait encore autour de lui, l'historien avait moins de part que le collectionneur. Pour sombre et sourde que fût la soupente de la rue de Baume, où se faisait d'ordinaire le trafic, un observateur n'aurait pu s'y tromper. Cette voix faussement indifférente, ces lèvres desséchées murmurant, montraient voir. La vie de tremblement des doigts révélait la passion envahissante, bientôt la manie, le kyste égoïste et dur qui prend et mange tout l'être au profit de son développement monstrueux. Astier devenait l'Harpagon, classique et farouche, implacable aux siens comme à lui-même, criant misère, escaladant les tramways, tandis qu'en 2 ans, 160 000 francs de ses économies s'égrenaient furtivement dans la poche du bossu. Et pour motiver à l'attention de Madame Astier, de Corentine, de Tessèdre, les alliés venus d'un petit homme, l'académicien, lui donnaient à relier ses dossiers, emportés, rapportés visiblement. Ils se servaient entre eux d'allusions, de mots, de passe. Albin Fage écrivait sur carte postale « J'ai de nouveaux fers à vous montrer. Reliure du XVIe siècle, en bon état et rare. » Léonard Astier hésitait. « Merci, besoin de rien. Attendons. » Nouvel avis. « Ne vous gênez pas, cher maître. Je verrai ailleurs. » À quoi l'académicien ne manquait de répondre. Demain matin, de bonne heure, apportez les fers. Et c'était la misère de ces joies de collectionneur. Il fallait acheter, acheter toujours, sous peine de voir aller à bout. À Huchenard, à d'autres amateurs, cette collection miraculeuse. Parfois, en pensant au jour où l'argent manquerait, pris de sombre fureur, il interpellait l'avorton, dans la face impassible, et suffisante l'exaspérer. Plus de 160 000 francs en 2 ans, et vous dites qu'elle a encore besoin d'argent? Quelle vie mène-t-elle, donc, votre demoiselle noble? À ces moments-là, il souhaitait la mort de la vieille fille, l'anéantissement du relieur, ou bien une guerre, une commune, un grand cataclysme social qui engloutirait le fonds Mesnil-Caz et ses acharnés exploiteurs. Et bien maintenant, il approchait le cataclysme, non celui qu'il eût désiré, car le sort n'a jamais bien exactement sous la main ce que nous lui demandons, mais un brusque et sinistre dénouement où pouvait sombrer son œuvre, son nom, sa fortune, sa gloire, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, et de le voir s'en aller en grands pas vers la cour des comptes, livide, parlant haut, en rendant aucun des saluts qu'il quêtait d'ordinaire, jusqu'au fond des boutiques, les libraires du quai, les marchands d'estampes ne reconnaissaient plus leur astiréu. Lui ne voyait rien, personne. Il tenait imaginairement le bossu à la gorge, le secouait par sa belle cravate à épingles et lui mettant sous le nez les charlequins déshonorés par les manipulations de Delpech. Cette fois, voyons, qu'avez-vous à répondre ? Arrivé rue de Lille, il poussa la porte en planche mal écarrée dans la palissade qui entoure le palais, puis le perron franchi sonnait à la grille, sonnait encore, saisi par le lugubre aspect du moment, dépouillé de ses fleurs et de ses verdures. La vraie ruine, coulante et béante, confondant ses ferrures tordues et ses lianes défeuillées. Un bruit de savates traîna par la cour froide. La concierge apparut, forte femme, sans ouvrir la grille, son balai à la main. « Vous venez pour le relieur ? Nous n'avons plus ça chez nous. » Parti le père Fage, déménagé sans laisser d'adresse, même qu'elle était en train de nettoyer le logement pour celui qui le remplaçait à la cour des comptes, le bonhomme ayant démissionné. Astier et eu, par contenance, bégaya encore quelques mots, mais un grand tourbillon d'oiseaux noirs s'abattant dans la cour couvrait sa voix de cris rauques et lugubres qui se prolongeaient sous les voûtes. « Tiens, les corneilles de l'hôtel Padovani, » dit la femme avec un geste respectueux vers les platanes en branches grises par-dessus les toits d'en face. « Elles arrivent avant la duchesse cette année. » Signe que nous aurons l'hiver de bonheur. » Il s'éloigna, le cœur plein d'épouvante. Fin de la section 7, lue par Margot.